La chronique de l'instructeur des castors de Dolbo Mistassini est une commandite de Sport Expert de Dolbo Mistassini. La saison hivernale est arrivée et le magasin Sport Expert vous offre une vaste gamme de produits en inventaire pour vos sports d'hiver favoris. Une équipe compétente est là pour bien vous conseiller. Surveillez notre page Facebook pour nos différentes promotions. Sport Expert, 1361 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini. Le propriétaire du magasin Sport Expert, M. Stéphane Leroyer, souhaite une bonne année aux castors et invite les partisans au match de notre équipe locale. C'est la chronique des castors de Dolbo présentée par Sport Expert du secteur de Dolbo. Salut Robin. Salut Danny. Robin a décidé de revenir cette année. J'étais un petit peu surpris. Je m'attendais qu'il allait avoir de la relève. J'ai revenu, mais c'est des jeunes, deux jeunes avec moi là encore qui vont prendre un petit peu plus de place au niveau des décisions. Et c'est ça, avec David aussi de quelques parents. Donc, ça m'a incité à revenir encore pour une autre année. OK. Puis, les jeunes, il y a David Rivard et l'autre, c'est qui? Jérémy Tremblay, OK. Donc, qui sont tes adjoints. Ouais, évidemment, le but, Jérémy, c'est de te former. Ouais, là. Jérémy, t'es avec moi là, deux dernières années. OK. Et David, c'est en plein ça. Et on a Luc Fortin et Steve Ouellet qui me donnent aussi un coup de main lors des entraînements. OK, donc vous êtes quand même une bonne équipe. On a un bon staff d'entraîneur, oui. OK. Dis-moi, comment ça s'enligne chez les castors cette année? Écoute, ça s'enligne quand même bien dans le sens où on a 13 vétérans qui sont de retour cette année. Puis on a ajouté à ça des recrues, un défenseur, ensuite de ça deux attaquants, puis un gardien de but. Donc, OK. Je pense que ça l'augure très bien. On a un bon noyau. Puis, si la progression est là, autant individuelle que collective, je pense que ça devrait être une bonne année pour les castors. OK. Parce que c'est bien commencé, là. Oui. On a bien entamé le calendrier, oui. OK. Quelle est la force du côté des castors? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de force en particulier, ne serait-ce qu'on est quand même balancé. Une excellente attaque et une bonne défensive. Écoute, on a 5 défenseurs sur 6 qui sont revenus l'an passé, donc à ce niveau-là, on devrait très bien se fouiller. Puis on a Guillaume Poirier qui était là l'an passé comme gardien, puis on a eu l'ajout de Vincent là. Vincent Lemieux qui a quand même fait très bien fait lors des matchs pré-concours et hors concours, puis lors de son premier match aussi. OK. T'as-tu beaucoup de joueurs au camp d'entraînement? Ça a-tu bien été? On a quand même 36 inscriptions. C'est quand même bon. C'est très bon comparativement aux autres années. Oui, c'est très bon. Donc, on avait quand même pu piger là, dans un bulletin là, quand même assez bien comparativement aux autres années. Puis, t'en gardes quoi, 18-20? 17, on en garde 17. OK, donc t'en gardais 17, OK. Donc, c'est un bon début de saison pour l'équipe. Dis-moi, parlons maintenant de ce qui s'en vient en fin de semaine du côté des castors. On a un match seulement du côté de Alma, okay. Dimanche soir. Le premier match s'est soldé avec une victoire en prolongation. C'était notre premier match de la saison. Ça n'avait pas été facile. On a eu un bon club, une bonne attaque et puis une bonne défensive aussi. Donc, ça devrait être un bon match pour tout le monde. OK. Donc, c'est pas mal intéressant. Ben, Robin, un gros merci. Au plaisir de se parler. Parfait. L'instructeur-chef des castors de Dolbo, Robin Boulian.